quelques années encore qu'un corps humain compte plus de bactéries et de virus que de cellules, que l'on pourrait à l'envi couper et coller de l'ADN presque aussi simplement qu'avec un traitement de texte, que des organismes puissent vivre dans des volcans sous-marins ou dans des puits de pétrole, bref, que les sciences du vivant étaient un continent dont nous n'avions jusqu'à présent arpenté que les tout premiers archipels. Science du vivant, les nouveaux explorateurs, c'est le tout premier et vaste problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans cette nouvelle saison de la méthode scientifique. Et pour parcourir donc ces espaces que l'on croyait acquis et qui se révèlent plus vierges et plus sauvages qu'il n'y paraissait, nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour ce premier numéro de la saison Catherine Jessu, bonjour. Bonjour. Ce qui fait de vous implicitement notre marraine pour cette nouvelle saison. Vous voyez l'immense responsabilité qui vous incombe. Oui, c'est pas ça qui me détend, mais... Vous pouvez l'être. Catherine Jessu, vous êtes directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS, chef de l'équipe biologie des ovocytes au sein de l'Institut de biologie Paris-Seine et coordinatrice de cet ouvrage indispensable, de cette cartographie, si l'on file la métaphore continentale, étonnant vivant, découvertes et promesses du 21e siècle, c'est au CNRS édition. C'est un ouvrage collectif qui a été coécrit par une centaine de chercheurs de différents domaines et de différentes disciplines, vous allez nous le redire, avec donc pour ambition de dresser la liste des attentes qui sont immenses, comme nous allons le voir, de cette révolution telle que vous la définissez, que connaissent depuis une vingtaine d'années les sciences du vivant. Et ce constat, cette révolution, finalement, vous allez voir que vous n'êtes donc pas la seule personne à le dresser. Actuellement, en biologie, c'est un moment très très excitant parce que depuis des années, nous cherchons à comprendre comment le génome est organisé, comment les gènes sont activés ou inactivés au cours du développement. Maintenant, on commence à voir les informations de cette organisation du génome, de son expression de manière très fine et assez quantitative. Et donc, on peut maintenant travailler avec des physiciens, des mathématiciens. Et donc, la recherche biologique devient vraiment interdisciplinaire. Voilà, vous aurez reconnu Edith Heard, qui est généticienne titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire au Collège de France, un grand spécialiste de l'épigénétique. C'est donc une révolution qui est liée donc à cette interdisciplinarité que décrit Edith Heard, selon vous, Catherine Jessu? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui nous a poussé, nous chercheurs, à produire cet ouvrage. C'est que la biologie est en plein bouleversement depuis 20-25 ans. Depuis le tournant de ce siècle, et les deux paramètres qui participent vraiment à cette rupture, à ce bouleversement de ce champ disciplinaire, c'est à la fois l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que l'étude du vivant n'est plus le prêt des seuls biologistes, mais requiert absolument le vivant pour être compris, déchiffré dans son fonctionnement, requiert à peu près toutes les disciplines. Donc l'interdisciplinarité, c'est vraiment cette prise de conscience par les biologistes qu'ils avaient besoin de mathématiciens, de physiciens, mais aussi des sciences humaines et sociales pour explorer le cerveau, etc. Ça a été une prise de conscience qui est actuellement suivie d'une mise en œuvre et qui bouleverse vraiment nos connaissances. Et puis le deuxième paramètre qui participe à ce bouleversement, c'est l'avancée terrible des technologies qui nous ont permis à nous biologistes d'aller déchiffrer ce qui était impensable il y a encore 30 ans. Alors on va voir d'ailleurs que les deux sont liés, que c'est cette avancée des technologies qui conduit de facto à avoir recours de façon beaucoup plus fréquente et beaucoup plus aiguë aux autres disciplines scientifiques. Vous écrivez dans l'introduction que vous avez signée de ce livre Étonnant vivant quelque chose d'autre et qui est peut-être plus contre-intuitif quand on pense à l'interdisciplinarité. Vous écrivez « La biologie est intrinsèquement une science historique ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je crois que j'ai écrit ça parce que les objets d'études des physiciens, des chimistes, sont des objets reproductibles qui ne portent pas le poids d'une histoire. Prenez une molécule de glucose. C'est comme une autre molécule de glucose. Elle n'a pas en elle une composante historique. Les objets vivants, tous les objets vivants, nous, nos cellules et tout ce qui est vivant sur la planète Terre, est le fruit d'une histoire et continue à faire partie d'une histoire. Donc, quand on étudie le vivant, on doit prendre ça absolument en compte pour comprendre un objet vivant. Au temps donné où on l'étudie, il faut avoir en tête les 4 milliards d'années qu'il porte en lui quelque part et qui conditionnent son fonctionnement. Alors, on va dire justement peut-être un mot d'histoire pour comprendre en quoi cette révolution, cette double révolution que vous décrivez, est-elle double d'ailleurs, elle est multiple dans les différents champs des sciences du vivant, est véritablement une révolution ou juste une adaptation à de nouveaux outils technologiques, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. À quel moment est-ce qu'on entre vraiment dans la biologie moderne? Est-ce qu'on parle de biologie moderne depuis la fin du 19e siècle, à l'époque de la fusion entre les sciences naturelles et la physiologie? Est-ce qu'on parle de l'ère moderne de la biologie à partir des années 50-60 avec la découverte et l'observation de l'ADN? À quand est-ce que vous feriez remonter cette contemporanéité de l'histoire de la biologie, Catherine Jessu? Oui, alors si on parle, enfin, tout est toujours relatif, hein, comme dans tout ce qui est question d'histoire et de temps. Quand on parle véritablement de biologie moderne, on a effectivement en tête la révolution de la biologie moléculaire de la fin des années 50, avec à la fois la découverte de l'ADN et c'est un moment où tout devient un peu une histoire de macromolécules, comment elles interagissent, comment elles se mettent ensemble, comment elles se reproduisent, etc. Mais l'histoire de la biologie, dont je ne suis absolument pas spécialiste, je tiens à le préciser, a été vraisemblablement en fait, depuis, si on l'a fait débuter arbitrairement à Aristote, de rupture. Il y a eu des grandes ruptures, et donc je pense que nous sommes à une période historique de rupture. On peut signer des ruptures, par exemple, avec l'invention du microscope. On est au XVIIe siècle. C'est une invention qui n'est pas du tout faite par un biologiste et pour examiner des choses biologiques. Hein. Vous connaissez l'histoire de ce drapier qui voulait regarder ces textiles plus en détail et qui invente le microscope et qui découvre des espèces de microbes à l'intérieur avec effarement. Là, ça, c'est un champ qui s'ouvre avec l'invention du microscope. Après, il y a eu conceptuellement Darwin, la théorie de l'évolution, qui n'est pas une théorie d'ailleurs, mais un fait, la génétique mendélienne. Donc, il y a eu comme ça des grandes ruptures qui ont été guidées ou non par des aspects technologique. Là, effectivement, la révolution de la biologie moléculaire était une véritable révolution parce que on entrait dans vraiment une conception de la vie qui était purement d'assemblage moléculaire et on avait en même temps les premières capacités à manipuler des génomes, même si c'était des génomes de bactéries, et donc à pénétrer dans ce qui est notre génome, voilà, ce qui est vieux de plusieurs milliards d'années. La question que je voulais vous poser à travers ça, Catherine Jessu, c'est est-ce que, parce qu'on parle effectivement, vous l'avez dit, de la révolution du microscope, de la révolution de la biologie moléculaire, de l'ADN, on parle aujourd'hui d'une nouvelle révolution, est-ce que cette histoire des sciences vécue comme une révolution permanente, c'est pas un peu le début de l'anarchie? Est-ce qu'on n'est pas juste, on vient pas juste de franchir un cap technologique finalement? Non, parce que on est donc, comme je l'ai dit, je pense que tous les chercheurs sont d'accord avec moi, à un moment de grand basculement dans nos découvertes, dans les découvertes qu'on fait en raison effectivement de progrès technologiques, mais dans différents domaines de la technologie. On pourrait parler presque de trois grands domaines où il y a eu des avancées foudroyantes. Le premier est le domaine de l'imagerie, où on a maintenant acquis, avec les derniers développements, vous avez interviewé Arnaud Echard, je pense, le moyen d'aller imager des choses infiniment petites, enfin infiniment petites pour un biologiste. biologiste, hein, pas pour un physicien, mais à l'intérieur des cellules, et de voir bouger les choses dans les cellules sans, voilà, et d'imager aussi des grosses choses, comme de voir le cerveau en train de fonctionner. Donc, on a balayé des échelles dans l'imagerie qui sont fracassantes, et le grand tournant a été que les biologistes, jusqu'à présent, pour regarder les choses, les examiner, ils les tuaient. On tuait les plantes, les petits animaux, etc., avant de les mettre sur un microscope, éventuellement les couper en rondelles, en lamelles, pour mieux voir, mais on observait des choses mortes. Avec le tournant de ce siècle, on observe le vivant en fonctionnement, avec un minimum d'intervention, et à des échelles qui vont du tout petit, du moléculaire, voire de l'atomique, jusqu'à des échelles de l'organisme et des gros organismes en mouvement. Donc ça, c'est un premier champ de terrible évolution. Le deuxième champ, c'est celui de la connaissance des génomes, et donc du séquençage, et notamment des métagénomes. On ira peut-être un peu plus loin, parce que ça a été un grand changement, très grand changement. Donc on peut là avoir accès aux connaissances des génomes sans même savoir à quoi les bestioles à qui appartiennent ces génomes ressemblent. Et le troisième champ dont on parlera aussi, j'imagine, c'est le champ de l'intervention sur le vivant. Alors là, moi, je parle en tant que chercheur, c'est-à-dire la manipulation du vivant. Quand le chercheur fait des expériences pour essayer de comprendre comment ça marche, il a maintenant la possibilité d'intervenir à la fois sur le génome, de le perturber pour voir comment l'objet va réagir, mais pas seulement sur le génome, sur d'un point de vue biophysique aussi, pour comprendre toutes les forces mécaniques qui sont à l'œuvre dans une cellule. On a maintenant des pinces optiques ou des tas d'outils hyper sophistiqués qui nous permettent d'effectuer des tensions, etc., à des échelles micrométriques, voire submicrométriques. Donc ça, c'est le troisième champ technologique d'intervention du vivant qui bouleverse vraiment tous les possibles d'un chercheur. Et qui justifie l'emploi du terme révolution. On va effectivement revenir un par un sur ces trois aspects que vous venez de décrire, Catherine Jessus. J'aimerais juste vous faire réagir sur quelque chose que je trouve important, parce qu'il s'agit là aussi d'un changement paradigmatique important pour l'ensemble des sciences du vivant. Vous écrivez toujours dans cette introduction à Étonnant Vivant que le biologiste a longtemps opposé l'individu à l'environnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'étudie plus l'un séparément de l'autre. Non, oui, ça s'étend dans le champ des découvertes et des changements conceptuels de la biologie. C'est un point extrêmement important. C'est cette notion de frontière, de qu'est-ce qui est le soi et qu'est-ce qui est le non-soi, qu'est-ce qui est l'organisme et qu'est-ce qui n'est pas. Donc on opposait vraiment, voilà, on voyait le système immunitaire se défend, il y a moi, il y a les autres, et comment, voilà. En fait, à peu près tout être vivant est soit contenu dans un plus grand, soit en contient des plus petits, et tout ce qu'on appelle écosystème vit dans une espèce de, pas forcément d'équilibre, parce que ça va, ça vient, mais ensemble. Donc tout ce qui est vivant sur la Terre et dans l'histoire, c'est pas franchement la vision qu'on a, par exemple, de l'évolution où le plus fort va gagner après avoir écrasé les plus faibles. Donc c'est pas un champ de bataille comme ça, sanglant. C'est plutôt une histoire de compromission pour trouver ce qui est le à peu près mieux pour les uns et pour les autres. Et de cohabitation. Oui. Et ce qui est vrai pour le soi et le non-soi est aussi vrai, on va le voir certainement, entre la limite qu'on a longtemps cru totalement étanche entre le vivant et le non-vivant, on voit qu'aujourd'hui, ces frontières-là sont totalement brouillées. Absolument, absolument. Et on voit les interactions fortes à la fois du vivant sur l'environnement non-vivant. Ça, malheureusement, même en termes d'espèces humaines, on le voit très bien, mais même d'un point de vue plus naturel, ça a toujours été comme ça depuis 4 milliards d'années. On voit le contraire aussi, ce qui est, il y a quelques exemples dans le livre, d'interférence de l'environnement pour conditionner le fonctionnement, voire l'évolution du vivant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 4h15, vous écoutez La méthode scientifique, le premier numéro de cette deuxième saison 2017-2018, premier numéro que nous passons donc avec Catherine Gessu, qui est chercheuse au CNRS et surtout directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS et qui est responsable de cet ouvrage collectif étonnant, vivant, découverte des promesses du 21e siècle. On a établi un peu le cadre de la discussion que nous allons avoir dans le courant de cette heure. Attelons-nous donc à la première de ces grands progrès techniques plutôt qui constituent à L3 cette révolution dans l'approche des sciences du vivant, le domaine de l'imagerie, hein, pour illustrer l'importance de ces évolutions techniques dans les sciences du vivant en général et dans la biologie cellulaire en particulier. Notre premier reportage de l'année nous conduit à l'Institut Pasteur. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas Martin, bonjour Catherine Gessu, bonjour à tous. Et vous avez pu mettre vos yeux dans un microscope dernier cri. Oui, c'est avec Arnaud Échard, directeur de recherche CNRS et chef de l'équipe trafic membranaire et division cellulaire à l'Institut Pasteur, que j'ai pu voir ce fameux microscope. Comme le nom de son équipe l'indique, les recherches que mènent Arnaud Échard et ses collègues sont consacrées à la division des cellules humaines, une division qui ne peut se réaliser que dans des conditions bien spécifiques de température et de chimie. Arnaud Échard m'a donc expliqué comment on observe cette division et grâce à quels moyens techniques l'un des microscopes utilisés par son équipe permet cette observation d'une très grande finesse. Alors, on est dans un des deux grands bâtiments historiques de l'Institut Pasteur, notamment celui où les grandes découvertes sur l'opéron lactose ont été réalisées par François Jacob, Jacques Monod et André Wolff, qui travaillaient plutôt à un étage un peu supérieur, ce qu'on appelle le grenier, mais il y avait des grandes tablées apparemment à l'étage inférieur où tout le monde se retrouvait à midi pour discuter. Une des grandes avancées finalement des années 80 et 90 surtout, c'était d'utiliser la fluorescence pour détecter des structures spécifiques, des protéines spécifiques à l'intérieur des cellules. Nous employons vraiment de façon presque systématique maintenant dans tous les laboratoires de biologie cellulaire des protéines fluorescentes qui s'appellent la GFP, pour Green Fluorescence Protein. C'est une protéine qui est en fait... est fabriqué par des méduses, et lorsqu'on éclaire cette protéine en bleu, avec des photons bleus, on récupère des photons verts. Et donc, si maintenant, par génie génétique, on est capable de fusionner la séquence d'ADN qui permet de coder cette GFP à la séquence qui permet de coder une protéine, par exemple, importante pour l'abscission, à ce moment-là, on va avoir une espèce de protéine hybride, chimère, on dit d'ailleurs, qui a à la fois la propriété d'être fluorescente, mais aussi d'être liée physiquement, covalemment, à notre protéine d'intérêt. Et donc, on va suivre, en regardant simplement la fluorescence, où se trouve la protéine qui nous intéresse. Donc, la protéine parmi les 529 qui nous intéressait, mais dans la cellule, il faut s'imaginer qu'il y a à peu près 10 000 protéines différentes. Donc, c'est une seule parmi les 10 000 protéines qui existent dans la cellule. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Pour faire ça, il faut qu'on soit capable de donc détecter les photons verts émis par cette protéine GFP. Et donc, on a besoin de microscopes qui sont capables d'éclairer en bleu, récupérer la lumière verte, assigner l'endroit où se trouve la lumière verte. Et donc, on peut inférer où se trouver la protéine qui nous intéresse. Notre vraie valeur ajoutée, c'est en réalité de savoir filmer les cellules, et on a des petits secrets. Parce que comme on travaille sur la division cellulaire, les cellules se divisent une fois tous les 24 heures. La division en elle-même, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment la cellule se déforme et se coupe en deux physiquement, ça prend quelques heures. Donc on est obligé de filmer en permanence nos cellules pendant, disons, deux jours pour avoir deux divisions. Mais évidemment, le problème des cellules, c'est qu'on ne peut pas les éclairer en permanence. Donc là, il y avait... une petite pancarte sur la porte, ne pas entrer, film en cours, ça fait un peu scène de studio, de cinéma. Exactement, alors là c'est une petite pièce qui est totalement dans le noir et on a plusieurs microscopes. Peut-être décrire ce microscope, oui. Celui qui est en train de tourner en ce moment. En fait, les microscopes sont d'abord posés sur une table anti-vibration, sur coussin d'air, qui est absolument essentiel pour nous, pour même lorsque je parle, ne perturbe pas l'expérience par des vibrations. Et donc sur ce microscope qui est inversé, c'est-à-dire que les objectifs sont pas comme on a dans les microscopes de collège ou de lycée, les objectifs sont par en dessous parce qu'on va, mettre sur la platine nos boîtes de culture qui ont un fond en verre. Et donc on regarde les cellules par en dessous. Et donc notre platine, en fait, va permettre de mettre au point l'image de nos cellules. Et l'intérêt donc de ce système, c'est qu'il est totalement encagé dans une cage de plexiglas qui permet de maintenir une température de 37 degrés et de maintenir le pH comme il faut pour nos cellules. On prend une image toutes les 15 minutes. On va faire ça pendant 2 ou 3 jours de suite. Donc c'est là où on a un peu une valeur ajoutée. On sait comment filmer nos cellules pendant 3 jours sans les perturber. Pourquoi ? Parce que la lumière par elle-même perturbe. Nos cellules sont très adaptées pour réagir à une surexposition de la lumière solaire, des UV, et à se prémunir de se diviser, parce que vous savez, quand les UV bombardent nos cellules, c'est très vrai sur les cellules de la peau, évidemment, on engage tout un programme pour arrêter la division cellulaire, pour réparer l'ADN, etc. Et donc, c'est justement ce qu'on ne veut pas, parce que nous, on veut qu'elles se divisent. Donc, il faut les éclairer avec parcimonie, ça, c'est sûr. Donc là, la lumière est allumée, donc on nuit un peu à l'expérience. Exactement, tout à fait. Donc là, c'est la lumière, le néon au-dessus, donc c'est pour ça que d'habitude, c'est quand même mieux de les éteindre. Mais c'est surtout beaucoup plus fort au moment, vous allez voir dans quelques secondes, au moment où on va acquérir une nouvelle salve finalement d'acquisition. Donc on va faire une image toutes les 15-20 minutes et on va acquérir sur 20 champs différents. Donc on va avoir en fait 20 films en parallèle à la fin. Donc 20 champs avec une quinzaine de cellules par champ. Mais par contre là, au moment où ça va éclairer, dans une trentaine de secondes, là on va focusser la lumière sur les cellules, la lumière sera beaucoup plus intense que la lumière des néons. Et donc c'est là où il faut filtrer tout ce qui va être UV, de telle sorte que les cellules ne détectent pas qu'elles sont éclairées. Et puis on a quelques petits secrets, des filtres, on peut jouer sur l'intensité, la durée, etc. Donc c'est comme pour faire une photo. Donc là, on a entendu un petit signal et l'image vient de changer sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, donc les petits bips qu'on entend, c'est à chaque fois le déplacement de la platine pour avoir 20 champs différents. Et une ouverture automatique de l'obturateur, de telle sorte que la lumière passe uniquement au moment où on prend la photo. L'intérêt, en fait, c'est que, évidemment, la platine, même au cours de 2 ou 3 jours d'expérience, c'est ça qui est remarquable sur ce microscope, va revenir exactement sur la même position, de telle sorte qu'on va retrouver les mêmes cellules qui ne migrent pas. Donc, on pourra la suivre exactement les mêmes cellules pendant 2 ou 3 jours. Donc c'est des manips où on peut avoir, on sort souvent un terabit de données, ce qui pose en fait après le problème, c'est comment on les analyse, si possible de façon automatique. C'est vrai que là, en l'occurrence, on essaye de développer avec des collègues du département, Christophe Zimmer, des méthodes peut-être plus innovantes que ce qu'on fait par du machine learning. C'est très à la mode en ce moment, mais on peut apprendre plein de choses. Et donc déterminer des paramètres de façon plus automatique. En tout cas, ce qui est très clair, puisqu'on a travaillé quand même beaucoup d'années dessus avec des collègues ingénieurs, tout ce qu'on regarde de déformation de cellules, quand est-ce que les cellules se coupent, c'est extrêmement compliqué par le fait que les cellules migrent un petit peu, n'ont pas toutes la même forme, et c'est extrêmement difficile à automatiser. Et l'œil humain est beaucoup plus fort à détecter ça qu'une machine pour l'instant. Ouais. Voilà, l'œil humain est encore, mais pour combien de temps ? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, Catherine Jessy. Ça dépend ce qu'on regarde. Oui, ça dépend ce qu'on regarde. Mais dans certains domaines, l'œil humain est encore plus efficace qu'une machine pour repérer, pour discerner certainement des mécanismes cellulaires. Non, ce n'est plus tout à fait le cas. On arrive au bout de l'efficacité de l'œil humain. Oui, là Arnaud parlait de mise au point technique, ce qu'on voit en fait maintenant n'a rien à voir avec ce que l'œil humain est capable de discerner. Donc effectivement là c'est un très joli reportage sur ce qui se passe au niveau de la cellule. On peut même aller avec des microscopes encore plus puissants, notamment les cryo-microscopes électroniques. Mmh. On peut aller vraiment plus bas dans et voir pratiquement des molécules, voire des atomes interagir à l'intérieur des cellules. Donc c'est vraiment là, on pénètre dans des espaces tout petits. Et comme je le disais, on est capable d'imager des choses beaucoup plus grosses, et tout ça étant vivant. Et notamment, vraiment, le domaine des neurosciences a été bouleversé par l'imagerie cérébrale qui permet maintenant de visualiser le cerveau d'un homme en activité à qui on demande d'accomplir certaines tâches cognitives, de souvenirs, de mémoire, de pensée, de parole, de lecture, etc. Et donc de décrypter en les visualisant à l'intérieur du cerveau les réseaux neuronaux qui sont responsables de ces opérations mentales. Donc là, on plonge dans un univers absolument extraordinaire. Puisque là, on parle effectivement des progrès faits en termes d'imagerie, on va basculer progressivement dans le deuxième domaine d'avancée que vous listiez tout à l'heure, Catherine Jessu, qui est celui de la métagénomique, parce que le point commun entre les deux, c'est que ces nouvelles techniques d'imagerie nous permettent d'obtenir un nombre croissant d'informations qu'il devient quasiment impossible de traiter, même avec des équipes très importantes, d'où l'importance aujourd'hui des mégadonnées, des algorithmes puissants qui permettent même de voir des choses que l'on n'aurait peut-être jamais vues, à côté desquelles on serait passé, des légères variations, des écarts-types différents qui permettent de pointer, d'identifier même des phénomènes nouveaux. Oui, effectivement, ça n'est pas seulement la sensibilité d'aller détecter par des algorithmes des choses très subtiles, mais c'est d'arriver à interpréter et à donner du sens et de la cohérence aux milliers de données qu'on est capable de tirer comme information d'un phénomène biologique donné. Dans une cellule, le biologiste va pouvoir comprendre qu'il y a des centaines, des milliers, comme le disait Arnaud, de protéines qui interagissent. Dans le cerveau, ça va être des milliers, des milliards d'ailleurs, de neurones qui interagissent. Et notre cerveau humain est totalement... dans un génome, on va avoir des milliards de bases qui se présentent à nous. Et là, le cerveau humain est incapable de mettre de la cohérence là-dedans. Donc, tout l'enjeu actuellement est d'arriver à interpréter ces données. Et ça repose à la fois sur des algorithmes, sur de l'informatique, sur des méthodes statistiques et sur de la modélisation. Et avec le modèle qui est issu de mathématiciens, d'informaticiens, on est capable de retourner à l'expérimental pour valider et continuer. Donc on est dans une boucle où de plus en plus, c'est pas systématique, hein, mais beaucoup d'approches en sciences de la vie ne sont pas concevables sans l'aide d'informaticiens, de mathématiciens, de modélisateurs, de statisticiens, etc., qui ne sont pas la discipline de la biologie. Donc les autres disciplines, c'est pas seulement un apport technologique, parce que c'est pas les biologistes qui construisent des microscopes, c'est pas seulement des apports technologiques fantastiques, c'est vraiment des apports conceptuels où chacun évolue dans sa discipline, mais arrive à dialoguer, c'est d'ailleurs là qu'est la difficulté, pour résoudre un même problème. La difficulté, c'est le dialogue interdisciplinaire aujourd'hui. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le besoin, il est ressenti des deux côtés. En général, les physiciens, les mathématiciens, les informaticiens sont très attirés par l'objet vivant parce que il représente des défis pour leur champ disciplinaire. Le biologiste, donc, ils veulent discuter avec le biologiste. Le biologiste, lui, veut absolument également, a besoin de ses autres disciplines pour avancer sur son problème sur lequel il est bloqué. Et pour interpréter les données massives. Voilà, c'est ça, pour interpréter, apporter, retourner, les tester, les éprouver avec l'expérience. La biologie n'est pas une science purement in silico. Donc ce désir, ce besoin, ce souhait, il est là, il est exprimé. Mais après, la difficulté, c'est de trouver un langage commun. Chacun a sa propre sémantique et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, on est dans une période de transition qui, et ça, pour lever ce verrou, Ça se passe pas seulement dans les laboratoires, les universités, la formation des étudiants est très très importante pour ouvrir les esprits. Donc il s'agit pas que tout le monde devienne spécialiste de tout, c'est totalement impossible, mais vraiment d'avoir les outils, le vocabulaire, la base conceptuelle suffisante pour pouvoir dialoguer et travailler ensemble. J'aimerais qu'on dise un mot, Catherine Jessu, de cette nouvelle discipline, ou en tout cas du prolongement de la génétique qu'on appelle aujourd'hui la métagénomique, qui a été rendue possible par ce que vous venez de décrire, par des nouveaux instruments technologiques, par de la puissance de calcul amplifiée des ordinateurs, et qui permettent aujourd'hui non plus d'examiner un brin d'ADN, mais de donner, je simplifie, mais vous allez pouvoir préciser mon propos, à une machine, à analyser un environnement et à en sortir l'ensemble, à analyser, à comprendre, à classer, à interpréter l'ensemble du matériel génétique présent, par exemple, dans une, je sais pas, une goutte d'eau ou dans une goutte de sang ou dans un milieu marin. Oui. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une bascule de praxis. Ça n'est plus la même chose. On atteint des niveaux de connaissances qui étaient impossibles à avoir jusqu'à présent. Oui, absolument. Donc ça a été, enfin vous l'avez très bien dit, hein, j'ai presque plus rien à ajouter, mais ça a été vraiment une vraie bascule. Le passage de, alors déjà la génomique, le séquençage des génomes, qui est maintenant de plus en plus rapide et de moins en moins cher et de plus en plus fiable, etc., a déjà été quelque chose de colossal. Mais il y a eu vraiment une marche de gravier de plus avec la métagénomique, dont le principe effectivement est que vous prenez une goutte de n'importe quel liquide, votre intestin, la mare, la Seine, n'importe quoi, une goutte, et vous allez séquencer effectivement l'intégralité de ce qu'il y a dans cette goutte en matière d'ADN. Et grâce effectivement à des méthodes informatiques, vous allez avoir une idée de la biodiversité, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres vivants qui peuplent cette goutte de liquide. Donc ça, en plus, pour les biologistes qui ont vécu pendant des centaines d'années sur l'observation, je regarde à quoi ça ressemble, etc. Ça a été un gros tournant, parce que maintenant on accède au vivant dans certains cas, donc par son génome et sans savoir à quoi il peut bien ressembler. Et ça, ce bouleversement-là, du coup, cette métagénomique a livré l'immensité totalement insoupçonné du monde microbien qui peuple notre planète. Ça a été vraiment... ça a été un changement d'échelle. Ça a été le choc total de s'apercevoir de l'énorme, de l'immensité de ce monde microbien. À titre d'exemple, par exemple, d'ailleurs, pour l'expédition Tara Océan, qui est née de l'idée d'Éric Carcenti, un grand chercheur, un peu au départ s'est dit on va refaire le trajet du Beagle de Darwin, mais cette fois-ci on va s'intéresser à ce que Darwin ne pouvait pas voir. Darwin avait regardé les grosses choses, les grosses bêtes, les grosses plantes, les gros animaux. Et là, effectivement, sur le navire Tara, grâce à la métagénomique et aussi à l'imagerie, on a pu avoir une idée dans les océans de la diversité microbienne qui était mais totalement insoupçonnée, mais elle est on l'a découverte partout. En fait, il y a pratiquement aucun endroit sur la planète Terre qui n'est pas habité par du vivant et par des êtres microbiens. Et c'est seulement à la fin du XXe siècle qu'on a découvert une troisième branche du vivant. On était sur l'idée qu'il y avait des bactéries, qu'on appelait les procaryotes, et puis les autres, qui étaient les eucaryotes, c'est-à-dire toutes les cellules qui ont un noyau, qui peuvent être unicellulaires, comme une petite paramécie, ou pluricellulaires, voilà. Comme les cellules de la peau, comme les cellules comme nous, vivantes. Voilà. Et puis on a découvert qu'il y avait une troisième monde du vivant qu'on appelle les archées, qui ne sont ni des bactéries, parce qu'elles ont plein de caractères qui les distinguent, mais ni des eucaryotes, et qui vivent, pas toutes, mais en grande majorité, dans des environnements qu'on considérait comme impropres à la vie. Donc on s'était mis, on vivait dans un dogme, la vie c'est comme ceci, c'est comme cela, et ça doit vivre dans de l'eau qui est plus ou moins à telle température, tel pH. Et voilà qu'on découvre, en grande partie grâce à la métagénomique, parce qu'on est plus lent à voir les archées qu'à séquencer leur génome, on s'aperçoit qu'il y avait un troisième monde qui était là, et que ce monde il est bien vivant, avec son génome, etc., qu'il a une part d'ailleurs très importante dans l'histoire du vivant, et qu'on ne connaissait pas, et qui était dans ces milieux dits impropres à la vie, ce qui repose la question, bien sûr, de qu'est-ce que la vie, à partir du moment où des milieux qui n'étaient pas supposés l'héberger, l'héberge, ça veut dire que ces choses-là arrivent à vivre, voilà, dans des pH hyper acides, dans des eaux bouillantes, dans des puits de pétrole, dans des endroits avec une pression démesurée, sous la terre à presque 1000 mètres dans les roches sous terre, dans des eaux sursalées, la mer morte n'est finalement pas morte puisqu'elle est peuplée d'archées, etc. Donc, et ça, c'est des progrès effectivement technologiques de ce tournant de siècle qui nous mettent face à ça. Bien sûr, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on découvre que notre intestin est peuplé de milliards et de milliards de bactéries et de virus et d'archées, comme vous le microbiote dont nous avons parlé dans cette émission à de nombreuses reprises. Mmh. Donc c'est cette population bactérienne où il y a plus de bactéries et de virus et d'archées dans notre corps que d'étoiles dans notre galaxie. C'est dire si elles sont nombreuses. Ouais. The tree of life. Feeling the sunshine. For the last time. Well, it could have been. The tree of humanity. Sharing the sunshine. For the first time. Calling the name. L'arbre de la vie, Tree of Life, bien plus complexe qu'on ne le pensait à l'époque où Aretha Franklin le chantait, puisque nous parlons pour ce premier numéro de la deuxième saison de la méthode scientifique des sciences du vivant et des nouveaux territoires qu'elle nous dévoile depuis une vingtaine d'années et pour les années et les siècles à venir. Nous en parlons avec Catherine Jessu, qui est directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS et coordinatrice d'Étonnants vivants, découvertes et promesses du 21e siècle aux éditions du CNRS. Alors on a parlé des progrès d'imagerie, on a parlé des progrès de la métagénomique, la troisième branche qui constitue cette révolution des sciences du vivant que vous décrivez dans cet ouvrage collectif, Catherine Jessu. C'est l'autre grande affiche révolutionnaire, parce qu'on a beaucoup parlé de révolution au cours des 7 heures, et on va continuer à en parler, qui est copieusement débattue, commentée, qui est au centre de multiples interrogations éthiques, et cet été, même récemment, nous allons l'évoquer dans quelques minutes, c'est bien sûr le ciseau génétique révolutionnaire, CRISPR-Cas9, avec une nouvelle étape franchie donc il y a quelques semaines, puisqu'une équipe internationale basée à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, a réussi à corriger une maladie génétique, une cardiomyopathie hypertrophique sur des embryons viables. C'est une première dont le développement a été interrompu après quelques jours compte tenu de la réglementation américaine. Que vous inspire cette avancée, Catherine Jessu ? Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Moi, je pense que cet article qui est paru au mois d'août est extrêmement intéressant parce que c'est une étude extrêmement sérieuse. Il y avait, je crois qu'en 2015, il y avait eu quelques papiers publiés par des laboratoires chinois sur des embryons humains qui n'étaient pas très convaincantes. Là, c'est effectivement une étude très sérieuse. Mais je pense qu'en la matière, il faut absolument parler de science et pour éviter la diabolisation et aussi bien les utopies que les dystopies et qu'on parte dans tous les sens avec ça, qu'on mélange déjà ce qu'est la science et après ce qu'il convient de faire en termes d'éthique et qu'on explique bien ce qui s'est fait dans l'Oregon, à Portland. Donc ce système CRISPR-Cas9, avant de parler de la technologie, vous l'avez dit, c'est le couteau suisse de la génétique. Le copier-coller de traitement de texte que j'évoquais au début, c'est-à-dire un outil très peu cher et très simple à utiliser, qui a été utilisé dans de nombreux domaines déjà depuis quelques années. Oui. En fait, l'idée d'utiliser ce système CRISPR-Cas9 comme un couteau suisse qui découpe l'ADN, ça date de 2012-2014. C'est beaucoup Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna, mais avant de parler de cet outil technologique, j'aimerais bien dire un mot de ce qui s'est passé avant. Comment, en 2012, Emmanuel Charpentier s'est dit, tiens, on pourrait utiliser ça pour couper de l'ADN. Parce que l'histoire commence... On peut la faire remonter à 1987 dans un laboratoire japonais où des microbiologistes qui travaillent sur les bactéries, sur les génomes des bactéries avec tout ce qu'il y a de plus, fondamental de comment marche un génome, etc., s'aperçoivent que dans le génome de leur bactérie préférée, il y a une Escherichia coli, qui est E. coli qu'on parle beaucoup. Mais il n'y a pas eu que la fameuse coli dans l'histoire, mais elle contient des petites séquences répétées. Pourquoi pas, Et puis, l'histoire va se poursuivre pendant 20 ans, jusqu'en 2007, où on s'aperçoit que finalement, c'est toutes les bactéries qui ont ces petites séquences répétées, et puis ces petites séquences répétées, qui sont dans le génome de la bactérie, en fait, elles ont été acquises par la bactérie, et elles ont été acquises parce qu'elles viennent en fait de virus qui infectent les bactéries, parce que les pauvres bactéries, c'est comme nous, elles sont attaquées par des virus, qu'on appelle des bactériophages. Donc on s'aperçoit que ces petites séquences répétées, elles ne sont pas la bactérie, elles sont des bactéries qui ont été infectées par un virophage. Et puis, de fil en aiguille, on s'aperçoit que ces petites séquences, quand la bactérie qui a eu une première infection est réinfectée par le virus, elle se sert de ces petites séquences et d'une enzyme Cas9, qui est là une bonne enzyme de la bactérie, et elle bousille les virus qui la réattaquent. Grâce à ça. C'est une sorte de proto-système immunitaire des bactéries, en fait. C'est un système immunitaire acquis de la bactérie. Donc, pendant 20 ans, les chercheurs découvrent qu'effectivement, les bactéries sont équipées d'un système extrêmement élaboré qui leur permet, une fois qu'elles ont eu une première attaque, de ne plus être réattaquées et de se défendre proprement. Donc c'est de la recherche qui s'est fait dans différents endroits du globe et qui a été poussé majoritairement par la pure curiosité de comment ça marche. Et il y a eu des applications, notamment en France. Il y a des chercheurs qui étaient chez Danisco, qui est une entreprise qui fait du yaourt et qui se disait que c'était pas mal de travailler là-dessus pour améliorer les yaourts. Il y a eu aussi le ministère de la Défense qui a sponsorisé ça en disant « Ah, on sait jamais dans les luttes bactériennes, etc. Pourquoi pas ?» Donc on a pensé à des applications. Et on a pensé à la recherche fondamentale parce que c'était marrant, c'était bizarre et comment ça marche, etc. Et donc s'il n'y avait pas eu ces 20 années de recherche, il n'y aurait pas eu Emmanuel Charpentier pour se dire « Mais au fait, si on utilise ce petit système de cette petite séquence d'ADN avec cette enzyme, mais au fait, on pourrait s'en servir pour modifier les génomes, modifier les gènes, etc. » Ce qu'elle a fait. Et donc ça, c'est une leçon magnifique et exemplaire pour montrer l'importance d'une recherche totalement libre, pas du tout programmée pour une application dédiée. En tout cas, les applications qu'ils avaient imaginées, elles se sont jamais faites et qui donnent lieu à une innovation technologique spectaculaire qui change la recherche. Alors maintenant, comment ça marche? Comment on peut s'en servir? Et donc, je dis juste un mot, Catherine Jessu, parce qu'on va en reparler. On va essayer de pas trop passer trop de temps sur CRISPR-Cas9 parce qu'on a déjà beaucoup parlé ici. Mais c'est important et on va reparler avant la fin de cette émission de votre plaidoyer pour une recherche libre et pas une recherche strictement programmée. Vous en parlez dans ce livre et j'aimerais qu'on prenne le temps d'en discuter. Donc, poursuivons sur CRISPR-Cas9. Donc, CRISPR-Cas9, effectivement, c'est un outil qui permet à la fois de corriger des mutations, de provoquer des mutations, d'enlever des gènes, de localiser des gènes, de changer la nature chimique des gènes. Donc potentiellement, il y a tout ça qui est faisable. Donc on avait précédemment des techniques pour faire ça, qui sont toujours en développement et qui sont sûrement pas jetées à la poubelle entre parenthèses, mais qui étaient compliquées, longues, plus lentes. Avec moins de sensibilité. Voilà. Là, on a l'impression pour le moment qu'on a une technique qui va être effectivement rapide, très fiable, très sensible, très précise. Et relativement peu coûteuse. Donc c'est un avantage extraordinaire. Cette technique est employée dans les labos de recherche, donc sans aucune application, simplement pour faire des expériences comme on en faisait avec d'autres outils auparavant. Donc ça change beaucoup la recherche, toute la recherche. Mais bien sûr, les applications sont manifestes et on peut rêver et on doit rêver à ces applications. Donc maintenant, pour en revenir au point de départ, ce qui est très important en la matière, c'est pas de prendre peur soudainement, parce qu'effectivement, la technique n'est pas encore au point. Il y a effectivement toujours des soucis sur déjà la fiabilité qui n'est pas de 100%. Au lieu de changer le gène ou de réparer le gène qu'on voulait, on peut peut-être toucher son voisin, premièrement. On appelle des off-target, des hors-cibles. Oui, il y a effectivement un problème qui a donné lieu à des publications il y a peu de temps et on est en train de se rendre compte de l'ampleur de ces problèmes. Voilà. Il y a également le problème du mosaïcisme, c'est-à-dire que si on cherche à réparer un gène, il faut qu'il soit réparé dans toutes les cellules et pas dans seulement une partie de ces cellules. Il y a aussi l'échappement. Imaginons qu'on veuille éradiquer la malaria en rendant stériles les femelles de moustiques, les anopheles qui sont les vecteurs du plasmodium. Il ne faudrait pas ni éradiquer toutes les anopheles de la Terre quand même, et ni que ce système de stérilisation par CRISPR-Cas9 diffuse à d'autres espèces que les anopheles, ce qui est possible. Donc il y a tous ces problèmes d'échappement, de manque de sensibilité, etc. Donc nous n'y sommes pas. Donc ce qui est important, à mon sens, actuellement, c'est de poursuivre les recherches. C'est pour ça que je, personnellement, à titre personnel, je ne parle pas au nom du CNRS ou quoi que ce soit, je pense que ce que le travail des chercheurs de l'Oregon est très intéressant, c'est de la recherche. En embryologie, en aucun cas, il n'est question de réimplanter un embryon. L'objectif est clair, ça n'est pas d'introduire un nouveau gène, ça n'est pas de changer un caractère, c'est de réparer quelque chose qui est déficient. Donc il n'y a pas de diable qui se cache par derrière. On le répète, une maladie génétique, mais, la cardiomyopathie hypertrophique. Il faut être très prudent, c'est-à-dire que pour le moment, nous ne devons pas, à aucun prix, nous précipiter à utiliser cette technique directement pour corriger des maladies génétiques humaines en créant effectivement, bon là c'est le cas très précis, des gens qui ont cette maladie qui est une maladie héréditaire, on connaît très bien le gène, qui savent qu'ils peuvent léguer à leurs enfants cette maladie terrible, donc c'est de prendre effectivement les cellules reproductrices des parents, de corriger le gène défectueux. Voilà, et de réimplanter l'embryon qui sera donc normal et qui n'aura pas cette maladie. Donc l'objectif est tout à fait louable, ça doit être poursuivi. CRISPR-Cas9, c'est génial si on y arrive un jour, mais pour le moment, on ne doit pas l'autoriser parce que la technologie n'a pas encore prouvé sa fiabilité et en outre, on ne connaît même pas complètement clairement le mécanisme d'action de CRISPR-Cas9 quand il agit sur le gène. Donc il est urgent de continuer la recherche dans ce sens, mais de ne pas livrer, l'application directe. Et on refera une émission à ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur CRISPR-Cas9, notamment cette question des off-target, des hors-cibles que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a une étude qui a été publiée dans Science Advances au mois de juillet qui montre qu'une protéine, a priori, permettrait d'éviter justement ces off-target. La question des mosaïques, bref, on consacrera une émission entière parce que c'est effectivement un débat passionnant. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure parce que ça a été noté d'ailleurs par certains de nos auditeurs sur Twitter. Et pour conclure cette émission, vous faites dans votre introduction à ce livre étonnant, vivant, découvertes et promesses du 21e siècle, effectivement un plaidoyer très fort pour une recherche libre contre une recherche strictement programmée. Vous n'êtes pas la seule chercheuse de haut niveau en France à faire ce type de plaidoyer. On peut penser à Jean-Pierre Sauvage, le prix Nobel de chimie que nous avions eu au téléphone et qui lui aussi a dit, après avoir reçu son plaidoyer, son prix Nobel, pardon, si j'avais commencé mes recherches aujourd'hui, je n'aurais certainement jamais pu, sur les machines moléculaires, je n'aurais certainement jamais pu les mener jusqu'au bout alors qu'il a fait, on le sait, toute sa carrière dans son laboratoire de Strasbourg. Bref, aujourd'hui, Catherine Gessu, vous pensez que ce plaidoyer, c'est un vœu pieux ou qu'il peut être entendu par les pouvoirs publics au moment où on apprend cet été que le gouvernement souhaite vraisemblablement réduire de 331 millions d'euros le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche? Oui, je pense que on se serait pas tous lancés dans cette aventure de cet ouvrage collectif si on n'était pas convaincus qu'on pouvait être entendu. Notre livre qui raconte beaucoup de choses. Là, on a effleuré certains grands thèmes. On n'a pas parlé des génomes, de l'immunité, du cerveau humain ou de tous ces champs en bouleversement. Et donc notre idée, effectivement, c'était de nous adresser. C'est un livre, donc pas seulement aux politiques, mais surtout à la société, de bien remettre notre science au cœur de la culture et de la société, parce que actuellement, effectivement, on est la biologie, vous l'avez compris, vit des bouleversements, et ce qui est beaucoup mis en exergue et l'attente du monde politique tient beaucoup aux applications de la recherche. Alors, vous avez dit, vous opposez la recherche dite fondamentale, libre, contre la recherche programmée, donc je déteste ce terme contre, il faut les deux. pour que ça marche dans une société. Donc il est exclu de dire c'est l'une et pas l'autre et les deux sont opposés. C'est exactement le contraire. Il faut des deux et il faut les connecter. Là, on a un déséquilibre qu'on sent dans les laboratoires vers une recherche appliquée. Et comme disait Pasteur, hein, ça a été dit et redit, il n'y a pas de recherche appliquée, il n'y a que des applications de la recherche, ce en quoi je croit fondamentalement. Du coup, on est dans un cercle où effectivement le chercheur est pressé de s'inscrire dans des programmes thématiques, de livrer des résultats à court terme avec un impact socio-économique chiffrable, quantifiable et bien défini. C'est ce qu'on montre dans notre livre. Nous sommes dans un monde de scientifiques en bouleversement et l'histoire montre que, de toute manière, les grandes ruptures, même technologiques, et les grandes avancées, en termes, par exemple, médicales, puisque c'est là l'un des débouchés de la biologie, entre autres, l'environnement en est un autre, sont souvent, mais très souvent, mais en majoritairement, venues de découvertes qui n'avaient pas du tout été programmé, pensé pour répondre à ça. On vient de parler de CRISPR-Cas9, c'est l'exemple type. Oui. 20 ans de travail et tout d'un coup, on a quelque chose de fabuleux. Vous écrivez, si l'homme s'était consacré exclusivement à l'amélioration de la hache de pierre ou de la bougie, nous ne serions jamais passés à l'âge de bronze et nous ne disposerions pas de l'électricité. Voilà. Un mot tout de même pour dire, encore une fois, je vous relance là-dessus, mais le nouveau président s'était engagé à l'époque de la marche des sciences envers les chercheurs. Il avait dit qu'il sanctuariserait le budget de la recherche et résultat au cœur de l'été, quand plus personne n'est là pour écouter, on annonce des suppressions dans un document de travail. Alors ça n'est pas donné, c'est un document de travail que s'est fourni la presse, mais tout de même, 331 millions d'euros de suppression de crédit pour l'enseignement supérieur et de la recherche d'une main, alors que de l'autre main, on fait de la grande communication pour faire venir à nous des chercheurs américains avec des enveloppes budgétaires de quelques dizaines de millions. Qu'est-ce qu'il faut en penser, tout ça, de Catherine Jessu, en quelques mots pour conclure? Bon, je pense qu'il faut prendre, avec beaucoup de précautions ces annonces de 330 millions, parce qu'en termes budgétaires, il faut voir exactement en quoi ça consiste et en quoi véritablement ça impacte la recherche ou pas. Je tiens quand même à préciser que je pense qu'il y a de l'argent consacré à la recherche en France. Maintenant, c'est l'allocation. La manière dont est alloué cet argent, où il va, comment il va, qui peut être discuté plus que discuté sur des grandes masses. Donc moi, nous avons une nouvelle ministre, nous avons cette fois-ci une ministre de plein exercice pour l'enseignement supérieur et la recherche, ce que nous n'avions plus depuis quelques années. C'est quelqu'un qui connaît très bien la recherche. Moi, je pense que voilà, il y a tout un chantier, il y a des choses à faire, notamment pour l'agence d'évaluation de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui distribue des moyens et qui est en pleine restructuration. Il y a eu un rapport du Sénat sur ces faiblesses de l'Agence nationale de la recherche et on aura l'occasion d'en reparler parce que malheureusement, Catherine Jessu, nous arrivons, je vous avais dit que ça passait vite une heure, oui, vous étiez inquiète en début d'émission. Nous arrivons à la fin de cette émission à 16h58, 30 secondes, bientôt 16h59. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là pour ce premier numéro de la deuxième saison de La Méthode Scientifique. Catherine Jessu, je rappelle, Étonnant Vivant, Découverte et Promesses du 21e siècle, un ouvrage que vous avez coordonné. Il y a plus d'une centaine de co-auteurs, c'est au CNRS Édition. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lozen, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. Allez, la suite de vos aventures sur France Culture, c'est tout à l'heure après le journal de 18h, Du Grain à Moudre, Les Emplois Aidés, Nuit Style à l'Emploi par Hervé Gardette. Dans quelques secondes à peine, une nouvelle semaine de LSD par Stéphane Bonnefoy et Perrine Kervran, le cinéma et le théâtre français à l'épreuve de la diversité. Pour ce qui nous concerne, demain, notre deuxième parrain de la rentrée nous parlera de ses deux passions, les étoiles et la musique qu'il mélange allègrement dans son dernier livre, L'harmonie secrète de l'univers. Jean-Philippe Uzan sera notre invité demain à 16h. Jusqu'à preuve du contraire.